Le matin, je m'éveille en chantant, et le soir, je me couche en dansant. Le matin, je m'éveille en chantant, et le soir, je me couche en dansant. Entre-temps, je fais la sieste, voilà tout ce qui me reste. Où je me fais du café, on ne se soigne jamais assez. Le matin, je me lave en chantant, et le soir, je me baigne en dansant. Le matin, je me lave en chantant, et le soir, je me baigne en dansant. Entre-temps, je me promène, une activité moyenne me conduit à me reposer. On ne se soigne jamais assez. Le matin, on s'embrasse en chantant, et le soir, on s'enlace en dansant. Le matin, on s'embrasse en chantant, et le soir, on s'enlace en dansant. Entre-temps, on se caresse, y a vraiment rien qui nous presse. On va même se recoucher, on ne se soigne jamais assez. Le matin, je m'éveille en chantant, et le soir, je me couche en dansant. Le matin, je m'éveille en chantant, et le soir, je me couche en dansant. Jamais je ne m'intéresse à la bombe vengeresse qui un jour va tout sauter. On ne nous soigne jamais assez.